du son pour les apparences apparemment. Ce n'est pas ce que tout le monde pense, j'en ai passé des soirées à pleurer sur du berger, enchaînant après sur un gros son de Dr. Dre. Les dreadlocks de Marley m'ont fait plus d'une fois planer avant que Monsieur Brel me fasse gamberger. Et puis de 15 pour un 15 bar, de coup pour un coup de barre, envahi des noirs désirs de mon passé. J'ai rêvé du nirvana, partir loin là-bas. J'ai rêvé de partir en Indochine, loin de chez moi, offrir l'arme de paix que Puccino nous a confiée. Tout arme a dans les veines, c'est du mot j'aime qu'on s'est méfié. Mon texte est plutôt simple, complexe sont mes idées. Dans la différence et l'évidence que j'ai trouvée. Mon texte est plutôt simple, complexe sont mes idées. Dans la différence et l'évidence que j'ai trouvée. La mode, ses effets, se démode. En effet, les efforts que l'on fait, eux, n'en sont pas le reflet. Le monde n'attend pas assez de place pour le pas. Passer du coq à l'âne, nous, on s'est dit pourquoi pas. La mode, ses effets, se démode. En effet, les efforts que l'on fait, eux, n'en sont pas le reflet. Le monde n'attend pas assez de place pour le pas. Passer du coq à l'âne, nous, on s'est dit pourquoi pas. Assez de place pour nos pas. Passer du coq à l'âne, nous, on s'est dit pourquoi pas.